إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc là, inshallah, on va un peu parler et avoir un aperçu sur la définition de Minhaj al-Salafi et du danger de l'innovation et des innovateurs et l'obligation de réfuter et de rejeter leurs paroles et ce qu'ils prêchent. Ce qui est à savoir, c'est que le terme minhaj qu'on emploie souvent ces temps-ci, et de même le terme manhaj sans le alif, donc sans le alif on dit manhaj, et avec le alif on dit minhaj, hein, manhaj c'est la voie, le chemin, c'est-à-dire le chemin ou la voie à suivre, le chemin ou la voie authentique. C'est ça qui est voulu lorsqu'on dit le terme minhaj. Sinon, ce terme peut être employé aussi pour les mauvais chemins, les chemins qui sont faux, les chemins de la déviation et de l'égarement et de l'innovation. Alors on peut dire manhaj ou minhaj al-ikhwan al-muslimin, la voie ou le chemin des frères musulmans, manhaj al-tablir, la voie d'établir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsqu'on dit le terme al-minhaj comme ça, c'est ce qui est sous-entendu, c'est al-minhaj al-sahih, al-minhaj al-nabawi, al-minhaj al-salafi, hein? Donc c'est ça qui est voulu quand on dit le terme minhaj, et c'est le chemin et la voie à suivre. Étant donné que nous sommes musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise que même en tant que musulmans, on peut se retrouver en enfer dans le fait de suivre un autre chemin que celui tracé par lui sallallahu alayhi wa sallam et qui a été suivi et entrepris par les compagnons radhiyallahu anhum, les bonnes générations et ceux qui les ont suivis convenablement jusqu'à la fin des temps. Comme par exemple le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans son hadith: تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية مفسرة لهذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام: هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes ou en 71 groupuscules ou fascicules, et les chrétiens en 72, et cette communauté se divisera en 73, et ils iront tous en enfer sauf une seule, un seul groupe. Il a été dit: qui est-ce au messager d'Allah? Il a dit: c'est le groupe. Et dans une autre version qui vient expliquer ce terme là groupe, il a dit: ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ce qui est arrivé au peuple d'avant, aux gens du livre précisément, les juifs et les chrétiens. Les juifs qui ont reçu Moussa alayhi salam, sur qui a été révélée la Torah, il leur a été ordonné d'écouter et d'obéir et suivre Moussa alayhi salam. Après la mort de Moussa alayhi salam, les juifs se sont divisés en 71 groupuscules. Il n'y en a qu'un qui sera voué au paradis, c'est celui qui a bien suivi convenablement Moussa alayhi salam, et tous les autres sont voués à l'enfer. De même que pour les chrétiens qui eux leur a été envoyé Isa alayhi salam, et sur qui Allah a fait descendre l'évangile. Après qu'Allah l'ait élevé au ciel, on ne dit pas après sa mort, parce que Isa alayhi salam, à la différence des autres prophètes et messagers, il n'est pas encore mort. Il a été élevé au ciel par Allah subhanahu wa ta'ala, et il redescendra à la fin des temps pour terminer sa vie et tuer l'antéchrist, le Messie al-Dajjal. Et ça, ça fait partie des grands signes de la fin des temps. Donc, Isa, lorsqu'il fut élevé au ciel, les chrétiens se sont divisés jusqu'à 72 groupuscules. Et ils iront tous en enfer, sauf un seul, celui qui a bien suivi convenablement, Isa alayhi salam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et cette communauté se divisera en 73. C'est-à-dire qu'il lui arrivera ce qui est arrivé à ceux d'avant, mais en plus grand nombre. Ils diviseront encore plus en 73. Ils iront tous en enfer sur un seul. Et c'est le groupe. Et dans notre verset, il dit, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi, ainsi, et aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Il y en a certains qui ont été déformés le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et cette communauté se divisera en 73, ils ont dit, la communauté ici, ce qui est voulu, c'est toute la nation. C'est tous les humains, tout le genre humain. Et les 72 sectes égarées, ce sont toutes les autres religions, les autres doctrines. Les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les hindous, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et que la faction rescapée, le groupe sauvé, ce sont tous les musulmans. Mais ça c'est faux. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien stipulé les juifs d'un côté, les chrétiens, il a dit cette communauté, et il n'entendait pas là la communauté musulmane. Il n'entendait pas là qui ? La communauté musulmane. Donc de ce fait, le musulman, une fois qu'il est musulman, il se doit de demander où est-ce qu'il est le droit chemin pour que je fasse partie du groupe sauvé, de la faction rescapée, que je fasse partie des vrais suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Il se doit de chercher. Il se doit de chercher. Bien sûr, au début, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelques nominations qu'on nommait les gens de Médine. Il y avait les musulmans, d'accord, tu étais musulman, et après plus précisément, soit tu es croyant, soit tu es hypocrite. Et c'est ce qu'on avait à Médine. On avait les croyants et les hypocrites, d'accord. Donc le terme musulman à lui seul ne suffisait pas. Il y avait musulman et il y avait aussi croyant, musulman, mu'min. Mais parce que d'autres étaient musulmans, mais étaient munafiques. C'était quoi? Hypocrite. Et c'est connu que l'hypocrite, c'est celui qui cache la mécréance en montrant l'islam. Et ceux-là sont dans le plus bas degré de l'enfer, Yom al-Qiyamah. Sont dans le plus bas degré de l'enfer, Yom al-Qiyamah, sont pires que les mécréants qui sont clairement mécréants. Ça, ce sont les hypocrites. De même, par exemple, quand dans le verset coranique où Allah dit, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit nous avons cru, dit vous n'avez pas cru, mais dites seulement que vous êtes musulmans et la foi n'est pas encore entrée dans votre cœur. La distinction, elle se faisait. Jusque là, il n'y a pas de problème. Je vais en venir où? C'est sur certaines terminologies. Ce groupe sauvé, qui est-ce? Cette faction rescapée, qui est-ce? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise bien qu'elle existera toujours jusqu'à que leur sonne. Qu'elle soit dans certaines époques en grand nombre ou dans d'autres époques en petit nombre, là n'est pas le problème. Mais dans toute époque, il y aura toujours au minimum quelques personnes qui seront du groupe sauvé et de la faction rescapée. Le prophète alayhi wa sallam dit dans son hadith, « La tazalu ta'ifatun min ummati » ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Ça veut dire, il sera de tout temps un groupe, une partie de ma communauté qui soit apparente sur la vérité. Ne leur nuira ni ceux qui sont en contradiction avec eux, ni ceux qui les délaissent, ou ni ceux qui les trahissent, jusqu'à que l'ordre d'Allah vienne, c'est-à-dire que l'heure sonne pour la fin du temps. Donc, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé qu'il restera toujours un groupe de sa communauté. C'est bien dire que toute la communauté, dedans, on y retrouve le groupe sauvé, et on y retrouve toutes les autres sectes qui sont vouées à l'enfer. Donc, c'est pour cela qu'il est un devoir pour le musulman de rechercher le groupe sauvé pour en faire partie. Et le groupe sauvé, pour le rechercher, il faut connaître ses signes. Il faut connaître ses signes. On en a vu tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de l'obligation parmi les signes du groupe sauvé, c'est qu'il retourne au livre d'Allah, c'est qu'il retourne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, c'est qu'il comprenne l'islam, les textes comme ont été compris par les pieux prédécesseurs, par les sahaba, les tabi'in, et de génération en génération, ceux qui ont suivi cela convenablement. De même que dans leurs pratiques religieuses, ils suivent convenablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Ils prêchent comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Ils commencent par ce par quoi ont commencé les prophètes et les messagers d'Allah. Ils appellent au tawhid, et ils combattent le polythéisme. Ils appellent à la sunna, et ils combattent l'innovation, la bid'a. Ils enseignent le bien et ils mettent en garde contre le mal. Ça, ce sont les grands signes des gens de la voie droite, des gens du groupe sauvé. Et ils suivent la vérité là où elle est. Et rien ne les empêche de dire la vérité. Parce que ce qui va à l'encontre de la vérité, c'est le mensonge et le faux. Et la vérité, c'est la révélation. La vérité, c'est la révélation. Et ce sont des chercheurs de vérité. Et ils suivent exactement et convenablement la vérité. Et ils ont plusieurs dénominatifs. Non. Comment on les appelle ? On les appelle Al-Jama'a, le groupe. Parce que Al-Jama'a, son contraire, c'est quoi ? C'est Al-Furqa, la division. Et Al-Haqq, ils ne font pas la division. Et c'est faux ceux qui disent tu es en train de diviser. Toi, la division, tu la vois de tes propres yeux. Tu n'as pas divisé. Tu es né, il y avait la division déjà. C'est pas toi qui es venu avec. On t'a fait croire que c'est toi qui as ramené la division. La division, c'est pas la sunna, la division, c'est bid'a. On les appelle aussi Ahl Sunna wal Jama'a, les gens de la sunna et du consensus et du groupe. On les appelle aussi Ahl Hadith, les gens du hadith, parce qu'ils suivent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith là qu'on a vu, la tazalu ta'ifatu min ummati, il a été dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, imam ou ahli sunnati bi zamanihi, l'imam des gens de la sunna de son époque, le grand imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, lorsqu'il lui a été questionné sur ce hadith, il a dit hum ahlul hadith, wa idha lam yakunu ahlul hadith, fala adri manhum. Il a dit ce sont les gens du hadith qui sont voulus par ce hadith là. Et si ce n'est pas eux, je ne sais pas c'est qui alors. Ça veut dire que ce n'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre si ce n'est les gens du hadith. Ou l'imam al-Bukhari et bien d'autres imams ont expliqué ce hadith comme étant les gens du hadith, ceux qui suivent convenablement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle aussi Ahlul Athar. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent les traces des pieux prédécesseurs. Et on les appelle aussi Atba'u Salaf wa Salafiyoun, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Et vous trouvez aujourd'hui des gens, lorsqu'ils ont entendu Tablir, ça leur a rien fait. Lorsqu'ils ont entendu Ikhwan Muslimi, ça leur a rien fait. lorsqu'ils ont entendu Hizb al-Tahrir, ça leur a rien fait. N'importe quel nom qui existe aujourd'hui, ça leur a rien fait. Ils ne se sont même pas posé la question d'où que ça vient. Et dès que, alhamdulillah, Allah a fait en sorte que la salafia a pris de l'importance et de la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous on n'a pas le droit de s'appeler salafi. Mais à l'époque du prophète, il ne s'appelait pas salafi, il disait musulman. Ben on dit seulement musulman, pourquoi vous les connaissez? Ah, c'est rien que maintenant que vous vous êtes réveillé. Lorsqu'il y avait Jama'at d'Ikhwan al-Muslimin, ça ne vous a rien fait. Il y avait Jama'at d'Da'wa al-Tablir, ça ne vous a rien fait. Tous les mouvements qui sont nés, ça ne vous a rien fait. Jamais vous avez remis en cause, mais vous avez été plutôt défendre ces dénominations. Mais dès que c'était salafia, vous avez voulu. Allah, est-ce que si on vient faire une recherche, qui se sont eux les perdants? Le terme salaf est un terme arabe qui veut dire prédécesseur. Qui veut dire quoi? Prédécesseur. Tout ce qui te précède est salaf par rapport à toi. Et toi, par rapport à ce qui t'a précédé, tu es khalaf. Moi, je suis salaf par rapport à mes enfants. D'accord? Et mes enfants sont khalaf par rapport à moi. Tous ceux qui t'ont précédé sont salaf par rapport à toi. Et tous ceux qui viennent après toi sont khalaf par rapport à toi. Ça, c'est connu chez les Arabes. C'est un terme arabe qui est connu. De même que ce terme-là a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sahaba radiallahu anhum, et par les imams, comme l'imam al-Dhahabi, l'imam ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, rahimahullah, et beaucoup. Il y a une parole qui était connue que même le khalaf disait, eux-mêmes, il disait quoi? Madhhabu salaf aslamu. Les gens qui ne suivaient pas Salaf, ils disaient la voie des pieux prédécesseurs, c'est la plus sûre. Mais la voie des successeurs, ceux qui sont venus après, hein, elle est bien plus sage et elle est bien plus remplie de science. Mais ça, c'est faux. Les ulamas ont réfuté cette parole. Et vous entendez souvent, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, faire allusion à cette parole. Mais la vraie parole, c'est quoi? Madhhabu salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Et madhhab khalaf, il n'a rien. Madhhab salaf, il est plus sûr, il est plus sage et il est plus rempli de science. Et madhhab khalaf, il n'a rien. C'est de l'égarement, on n'a pas à le suivre. On doit suivre madhhab salaf. C'est pour vous dire que même chez le khalaf, il connaissait ce terme. De même que c'est marrant, c'est chez ces gens-là, ils viennent dire des choses. Vous retournez à des ouvrages de leurs chouyours, comme Hassan al-Banna. Dans certains de ses ouvrages, il précise que notre da'wa ou notre voix, hein, c'est une da'wa salafia soufia. Il dit que notre prêche, c'est un prêche salafi soufi. Toujours en train de mélanger et rassembler entre ceux qui ne se rassemblent pas. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il emploie le terme salafi. Et vous les voyez aujourd'hui comme ça, dire non, on n'a pas le droit de réfuter la parole de votre cheikh. Il a employé le terme salafi. C'est un terme qui est louable et qui est reconnu. Et le ya qu'on rajoute à salafi, c'est le ya d'appartenance. Comme par exemple on dit al-Maghrib, le Maroc, un Marocain, on dit Maghribi. C'est ce qu'on appelle le ya d'appartenance. On dit Belgique, hein, un Belgique, un Belge, Belgique. Le ya, c'est le ya d'appartenance. Un salaf, étant donné que toi, tu prétends suivre un salaf et tu veux suivre un salaf, on dit salafi. Au lieu de dire une longue phrase. Parce que quelqu'un va dire non, mais ça suffit de dire musulman. Voyez, t'es quoi, musulman? T'es quoi, sunnite, chiite? Non, je suis sunnite. T'es quoi? T'es Hanbali, t'es Shafi'i, t'es Maliki, t'es. Non, moi je suis les pieux prédécesseurs complètement, convenablement. Faïb. Au lieu de dire Ana Muslim, Ala Kitabi, Wa Ala Sunnati, Wa Ala Manhaj, As-Salaf As-Salaf, Qul Salafi. J'ai un problème. Qul Salafi. Il y a aussi, par exemple, à l'époque des Sahaba, qu'il y avait bien une distinction, que ça ne suffisait pas seulement de dire Muslim. Les sectes, quand ils sont apparus, Al-Khawarij, ils sont apparus à l'époque des Sahaba. Les Sahaba, ils n'ont pas dit, mais non, c'est bon, on est tous des frères, on est tous des musulmans. Ah non. ça ne suffit pas, ça c'est une chose, mais après il faut chercher al-manhaj al-sahih, authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je la laisse pour après, pour l'achat dans le domaine des noms. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsqu'il a commenté la parole d'Allah ta'ala, lorsqu'il dit يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Le jour où des visages s'assombriront et d'autres resplendiront, ceux dont leurs visages sont assombris, il leur sera dit: est-ce que vous avez mécru après avoir cru? Goûtez donc au châtiment pour ce que vous mécroyez. Et ceux dont les visages ont resplendi seront dans la clémence d'Allah, la miséricorde d'Allah, ils y seront éternellement. Là, Ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit: tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jama'a wa taswaddu wujuhu أهل البدعة والفرقة. Resplendiront les visages de أهل السنة والجماعة. Et s'assombriront les visages, deviendront sombres les visages de les gens de l'innovation et de la division. Et c'est pour ça que de toujours à السنة, elle va avec le جماعة. والبدعة مع الفرقة. La سنة est toujours liée au groupe. Mais la sunna est toujours liée au groupe, mais la bid'a est toujours liée à la division. La division n'est ramenée que par les innovateurs et non pas par les gens de la sunna. La sunna, elle appelle à l'union. Tout le monde est obligé de retourner al-haq, à la vérité. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالِ. Et qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Donc, et le prophète alayhi salatu wassalam, dans certains de ces hadiths, il nous parle de sectes qui vont naître dans l'islam. Comme par exemple lorsqu'il a parlé sur le Khawarij. Hein, quand il a dit sur eux, il a dit: ce seront les chiens de l'enfer. Si je venais à les rencontrer, je les tuerais comme ils ont été tués. Iram Wa'ad. Les meilleurs des morts, ce sont ceux qu'ils tuent. Et les pires des morts, ce sont leurs morts à eux. Et ils tuent les gens de l'islam et laissent en vie les gens de l'idolâtrie. Le prophète sallam a mis en garde contre cette secte-là. Et lorsque cette secte est née à l'époque des Sahaba radiallahu anhum, Sahaba radiallahu anhum, ils les ont contrés. Ils les ont contrés. Et Ibn Abbas radiallahu anhum a été jusqu'à discuter avec eux pour les faire revenir. Et un bon nombre d'entre eux sont revenus à la vérité. Donc le fait d'entendre aujourd'hui des gens dire: on est musulmans, c'est ça qui compte, qui tu es toi déjà pour ramener cette règle-là? D'accord. Et ne pense pas avoir plus de rahma que Allah subhanahu wa ta'ala, puis son prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons d'Allah anhum et les ulama. Les ulama, ceux qui ont la plus grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu la connaissance qu'ils ont. Comment toi peux-tu donner un jugement quelconque? Tu n'as pas à juger. Allah il dit: fas'alu ala dhikrin kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Tu n'as pas à ramener des règles, à émettre des règles de toi-même. Tu te dois de suivre convenablement la droiture et le droit chemin. Si quelqu'un est voué à l'enfer, c'est pas toi qui vas le faire entrer au paradis. C'est Allah Azza wa Jal qui décide de toutes choses sur ses créatures. Mais si le prophète Azza nous avertit que tel chemin mène en enfer, faut pas prendre ce chemin-là et dire: oui, d'abord je suis musulman et j'irai au paradis. Car tu n'as aucune garantie de tout cela. Et ce qu'il t'est demandé, c'est de suivre la vérité et de t'éloigner de l'égarement. C'est là où on voit l'importance. C'est une histoire de paradis et d'enfer. Et les sahaba radhiyallahu anhum n'ont jamais accepté les déviations dans l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam mettait en garde contre l'innovation, alors que les innovations n'existaient même pas. Mais que dire si jamais elles auraient dû exister à son époque? À chaque fois qu'il commençait une khutbah ou il commençait une exhortation ou un cours à ses compagnons, il disait: amma ba'd fa inna khayr al kalam kalam Allah wa khayr al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Après ceci, sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et le meilleur chemin, c'est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses, ce sont les nouveautés en religion. Que toute nouveauté en religion est une innovation, que toute innovation est un égarement, et que tout égarement mène en enfer. Je précise bien en français, nouveauté en religion. Parce que vous avez des gens qui mélangent, et ils ne font pas la différence entre les nouveautés dans le domaine mondain et les nouveautés dans le domaine religieux. Dans le domaine mondain, et c'est vrai, cher l'islam, le Taïmi, rahmallah, il nous montre certaines règles qui sont très importantes pour le musulman. Il dit الأصل في الأشياء الإباحة إلا لنص والأصل في العبادات التحريم إلا لنص. Il dit à l'origine, pour les choses mondaines, c'est l'autorisation, sauf s'il y a un texte qui vient te l'interdire. Et l'origine pour les adorations, c'est l'interdiction, sauf s'il y a un texte. Je m'explique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le domaine mondain, dans le domaine de ce bas monde, tout est licite, sauf s'il y a des textes qui viennent prouver que c'est interdit. De ce fait, quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui fait partie de ce bas monde, qui n'est pas une adoration, on n'a pas à lui dire quelle est ta preuve comme quoi c'est autorisé. Mais c'est à toi de lui ramener la preuve comme quoi c'est interdit. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous avez compris? Pourquoi? Parce que l'origine de la chose, c'est l'autorisation. Donc c'est autorisé. Maintenant, si toi, tu as un texte qui prouve que c'est interdit, tu viens lui montrer le texte comme quoi c'est interdit. De boire du coca, ou de la Fanta, ou de la grenadine, c'est autorisé ou pas? C'est autorisé. On laisse la politique de côté, hein, mes frères. D'accord? C'est pas parce qu'on a des problèmes avec des gens qu'on va interdire des choses. On parle de choses à l'origine, des choses à l'origine. Oui, parce qu'il y a des gens, ils se prennent la tête pour une bouteille de coca, mais ils se prennent pas la tête que des gens vont tourner autour des tombes. Wal'iyadu billah. Donc, alors, il où la preuve comme quoi le Fanta c'est autorisé? Il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui l'interdit. Comme boisson, on a le vin. Le vin, on a le droit de le boire? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui vient nous l'interdire. On a un texte qui nous interdit cette forme de boisson. Est-ce que vous avez compris? La voiture, c'est autorisé ou pas? Ah, parce que vous avez déjà mal à tablir, ils jouent leur malin. Quand tu leur dis c'est bid'a, ça c'est innovation, ils disent ah, bah, tout est bid'a, ça c'est bid'a, la voiture c'est bid'a, la fourchette c'est bid'a, tout est bid'a. Voilà. Non mais faut s'arrêter, c'est pas de la rigolade. Faut arrêter de vous moquer. Ils se moquent de qui? Vous moquez de qui là? Vous faites exprès? Qu'est-ce que ça a à voir la voiture avec ce que je viens de te dire? Qu'est-ce qu'elle a à voir la voiture avec ce que tu as? Et ça c'est du mélange. Et ça c'est de l'ignorance. De la pure ignorance. De ne même pas savoir les bases de la religion. Amma, dans le domaine religieux, dans le domaine des adorations, l'origine c'est quoi? C'est l'interdiction. Tu n'as pas le droit de faire une adoration qui ne t'est pas demandée. Tu fais que seulement ce qu'on t'a demandé. Ce qu'il y a dans le livre, c'est sunna. En islam, ce qui t'a été demandé, tu le fais. Ce qui t'a pas été demandé, tu n'as pas à le faire comme adoration. Tu n'as pas à inventer de ta tête, tiens, je veux me rapprocher d'Allah avec telle action. Mais qui n'existe même pas en islam. Tu ne fais que t'éloigner d'Allah. Tu ne fais que t'éloigner d'Allah, t'as pris le mauvais chemin. Pour te rapprocher, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais t'as pris un mauvais chemin, tu ne fais que t'éloigner. Regarde un exemple, Saïd ibn Musayyib, Milkibar Tabi'in, parmi les plus grands Tabi'in. Saïd ibn Musayyib, un jour il rentre, avant la prière du Fajr, dans la mosquée. Et il voit un homme en train de faire les deux rak'at du Fajr, les deux sunna avant l'obligatoire. Quand il l'a vu en train de les faire, il les a fait très longues. Il est resté longtemps dedans. Et c'est connu que la sunna, c'est de les raccourcir, ne pas rester trop longtemps dedans. Le professeur ne le faisait pas trop long. Et il lui a dit, ne fais pas. Il l'a conseillé, il fallait. Et l'homme, il lui a dit, comment ça? Tu trouves que Allah, il va me punir parce que j'ai fait de la rak'at? Il lui a dit, non, Allah, il va pas te punir pour la salat. Il va te punir pour le fait que tu as été en contradiction avec le prophète. T'as khalaf le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, il pourrait te punir. Pour le fait de faire le contraire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les trois hommes qui sont venus frapper dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'étaient pas là, ils ont demandé aux épouses radiallahu anhunna. Ils ont dit, comment est l'adoration du messager d'Allah? Alors elles lui ont dit, eh ben, c'est un homme qui prie, qui dort, qui jeûne, qui rompt son jeûne, il se marie avec les femmes. Ils ont expliqué comment il est. Entre eux, ils se sont regardés, ils ont dit, c'est pas trop. Mais ils pourraient s'imaginer plus que ça. Après, un d'entre eux, il leur a dit, n'oubliez pas, lui, c'est le prophète d'Allah. Allah lui a tout pardonné. Mais nous, quel est notre cas? Et là, il a dit, moi, je décide de jeûner tous les jours sans rompre mon jeûne. Le deuxième, il a dit, moi, je prierai toutes les nuits sans dormir. Et le troisième, il a dit quoi? Et moi, je ne me marierai jamais avec les femmes. Les épouses, elles ont entendu. Quand le prophète Sassam est rentré, elles lui ont dit. Il y a trois hommes qui sont venus frapper à la porte. Et voilà ce qui s'est passé. Le prophète Sassam a réuni tout le monde, il est monté sur le minbar. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les portes de l'innovation. L'égarement vient. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. Et il est monté sur le minbar, il a dit, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui disent ça, ça et ça? Certes, je suis le plus pieux et le plus craintif d'Allah parmi vous. Mais je suis un homme qui prie et qui dort, qui jeûne et qui rompt son jeûne, et je me marie avec les femmes. Celui qui ne veut pas de ma sunna ne fait pas partie de moi. Celui qui. Elle va dire, subhanallah, miskin, il veut faire. Il veut jeûner tous les jours, il a le problème? C'est bien le jeûne. Non, ça c'est bid'ah. Tu jeûnes pas comme toi tu veux, tu jeûnes comme on te l'a enseigné. Et tu dis, vous voyez le problème? Je prie toute la nuit. Non, non, tu pries comme le prophète te l'a enseigné. Et là, tu ne me maries pas avec les femmes? Non, pourquoi tu ne maries pas avec les femmes? Tu pourrais te rapprocher d'Allah en ne te mariant pas? Le mariage, c'est la moitié de la religion. Et le prophète s'est marié, il a encouragé au mariage. Tout ce qui va en contradiction avec la tradition du prophète, il faut que le musulman s'en éloigne. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mettait en garde contre l'innovation. Et c'est pour ça que dans les adorations, hein, dans les adorations, c'est à celui qui fait de prouver son action. Quelqu'un est en train de faire une adoration. Je viens, je lui dis, mon prince, smahli, t'as le droit de faire ça? Eh bien, ramène-moi un délit comme quoi c'est interdit. Non, non, non, c'est toi qui dois me ramener un délit comme quoi ça existe. Faut pas changer les rôles. Qui demande le délit, qui ne le demande pas? Ça, il faut le savoir. Dans le domaine mondain, c'est celui qui interdit qui doit ramener le délit. Et dans le domaine religieux, c'est celui qui est fait, qui reconnaît quelque chose, qui doit ramener le dalil. Et non pas celui qui ne le reconnaît pas. Yahri, à l'origine, on ne fait pas d'adoration tant qu'il n'y a pas de texte. Et nous, le texte qui dit qu'il faut faire ça. Ça doit nous le ramener. Ça, c'est important d'être éduqué, de savoir. Et là, vous gagnez du temps. Il y en a, il peut toute sa vie chercher un texte comme qui interdit telle chose. Il ne le trouvera pas. Ça se trouve. Vous avez compris? Donc ça, c'est un point essentiel. Le danger de l'innovation et des innovateurs. C'est pas une question à prendre à la légère. Ali ibn Abi Talib, lorsque les Khawarij ont levé l'épée, il les a combattus jusqu'au dernier. Il les a combattus jusqu'au dernier. Regardez, lorsqu'un homme il est venu voir Omar ibn Khattab, il lui a demandé sur Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Le très miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Et il l'a frappé sur la tête. Il est revenu une autre fois pour lui redemander, il l'a refrappé sur la tête. Et une autre fois il est revenu, il a voulu le frapper, il a dit c'est bon, j'étais guéri. Ça y est, je ne me pose plus cette question. Ça y est. C'est bon, il a compris. Un jour, un Khattab, il entre dans la mosquée. Il voit trois jeunes. Dans la mosquée. Qu'est-ce que vous faites? On se rappelle d'Allah. Et nous, on fait quoi? Nous aussi, on a Allah. Nous aussi, on se rappelle d'Allah. Qu'est-ce qui vous nourrit? C'est Allah. Nous aussi, c'est Allah qui nous nourrit. Mais c'est qui la cause de votre nourriture? Ah, c'est des membres de notre famille, ceux qui. Ah, d'accord. Il a fermé les portes de la mosquée. Il a pris son bâton. Il a commencé à leur donner. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, c'est bon, on a compris. Voilà. Ça, c'est un bâton qui guérit bien les gens. Ils ont compris. Ça, c'est pas accepté en islam. D'être à la merci des gens. Et de répondre des réponses qui sont pas claires. C'est Allah qui me donne la nourriture. Oui, et à moi, c'est qui me la donne à moi? C'est mon patron qui me la donne? Non, Allah aussi, moi aussi, c'est Allah. Mais Allah, elle ne t'a pas demandé de rester les bras croisés. Tu as demandé, il va te donner, mais il faut que tu bouges. Et ça, c'est important, ça, de le comprendre. Regardez encore, l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, rahimahullah. Un homme est venu le voir. Et il lui a dit, ô Malik, d'où est-ce que je dois faire l'ihram pour le Hajj al-Umrah? Ils sont où? Ils sont à Médine. L'imam Malik est à Médine. Il lui a dit, tu le fais de Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa, c'est le miqat, la limite des gens de Médine qui veulent aller à la Mecque, où ils doivent mettre leur faire la niya et mettre l'ihram, tout ça. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a si jamais je le fais depuis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je fais l'ihram depuis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ne le fais pas, je crains pour toi le fitna. Il lui a dit, quel fitna il y a en cela? Ce n'est que des kilomètres. Il lui a dit, dans le hadith, il a dit des amyal, des milles. Mais j'emploie le terme kilomètre pour qu'on se comprenne. Ce ne sont que des kilomètres que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. C'est-à-dire, au lieu d'être en ihram à partir du miqat, moi je commence bien avant. Comme ça, je suis dans l'adoration bien avant. Je rajoute tous ces kilomètres pour Allah, pour me rapprocher d'Allah. Il lui a dit, je crains que ce verset t'atteigne. Il lui a dit, Allah il a dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْلَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'une fitna ne les touche ou un châtiment douloureux. Ô un tel, penses-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le message d'Allah n'a pas été spécifié? Sache que ce qui n'était pas une religion à l'époque du prophète ne sera jamais une religion. Et les derniers de cette communauté ne réussiront que par ce qu'ont réussi les premiers de cette communauté. Voilà la parole de l'imam Malik, rahimallah. Vous connaissez aussi, lorsqu'il était en train de donner cours à ses élèves et que l'homme est entré, et il lui a dit à Malik, Ar-Rahmanu ala arshistawa, kaif, ô Malik, le très miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, comment? Il lui a dit quoi? Al-istiwa'u ma'loum, wal-kaifu majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'a, akhriju al-rajul, fa'innahu mubtadi'a. Il a dit quoi? Il a dit, al-istiwa, l'élévation, elle est connue en arabe. Le terme istiwa est connu en arabe. Mais le comment est ignoré. On ne sait pas. Et d'y croire, c'est une obligation. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran. Et d'en poser la question est une innovation. Faites sortir l'homme car c'est un innovateur. Ouah, l'imam Malik, il est dur. Pourquoi il s'y prend comme ça? Il aurait dit, oui, toi, l'ignorant jeune, va apprendre à l'imam Malik. Comment on doit se comporter? Voilà, c'est ça notre problème à nous. On juge nous-mêmes. On n'a même pas de balance pour juger. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des choses qui sont propres aux savants. Il faut laisser les savants juger. Pas faire comme l'Ikhwan, hein, qui eux, hein, ont fait une petite réunion dans la mosquée, une petite table ronde, et chacun ramène son opinion. Allah, et quelle opinion tu veux que je te ramène? On ramène une question que même les ulama mettent 10 jours pour y répondre, ou ils y répondent en 5 minutes. C'est parce qu'il n'y a pas de taqwa, il n'y a pas de crainte d'Allah, ils ne voient pas la gravité de leurs œuvres. Et de parler dans la religion d'Allah. Comment tu peux demander? Les médecins, quand ils font leurs réunions, les grandes réunions internationales, ils nous appellent, nous, pour parler? Tu rentres pas dans leurs réunions. Pourquoi? T'es médecin? Non. T'es quelqu'un de confirmé? T'es un grand professeur? Tu vas faire quoi dans leurs réunions? Tu vas même pas les laisser terminer leur débat. Parce qu'eux, ils se comprennent. Ils vont parler un langage qu'ils le comprennent. Et des termes qui se comprennent. Toi, tu vas leur demander, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu comprends rien? Hop, sors de la salle. Tu peux pas discuter avec nous. Ça, non, mais ça, tout le monde le comprend. Mais pour Sharia, pour l'islam, non, tout le monde, c'est prendre le micro, puis chacun parle, tiens, voilà, à toi la parole, à toi la parole, à toi la parole. Et c'est ça, c'est un débat. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. C'est ça l'islam. L'islam, c'est un suivi complet. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimallah, qala al-ilmu, qala Allah, qala Rasuluhu, qala Sahaba. La science, c'est Allah a dit. Son message a dit, les compagnons ont dit. Et comme l'a dit l'imam Shafi'i rahimahullah, كل العلوم سوى القرآن مشغلة كذا الحديث والفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك ووسواس الشياطين. Il dit, toute science en dehors du Coran, du hadith et du fiqh est une perte de temps. La science, c'est lorsqu'il est dit, il m'a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est en dehors de cela ne sont que des suggestions sataniques. Les gens, ils remettent en cause leurs paroles à eux devant les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se rabaissent devant les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من تواضع لله رفعه. Celui qui a de la modestie pour Allah, Allah l'élève. Tu te rabaisse devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est demandé. Et ça, c'est important pour que le musulman le sache. Et c'est pour cela qu'il y a le danger. Il faut s'attacher fermement au groupe sauvé et à la faction rescapée, qui sont Ahl al-Sunnah wa Jama'a, Al-Salaf al-Salih. Il faut s'attacher et faire attention et avertir contre le danger des innovateurs. Il y en a qui disent, non, tu m'apprends, mais tu ne me mets pas en garde. Il y a des gens qui te ramènent des règles, tu te demandes d'où ils les ont ramenées. Seulement le musulman, s'il savait qu'il n'a pas à émettre de règles de lui-même, il demande aux gens de science, c'est ça qu'il lui demandait, et non pas de faire de lui-même, de ramener des choses de sa tête, ou d'à droite, ou d'à gauche, ou ce qu'il entend dans la rue. Ça, c'est important pour le musulman. La religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a des hommes qui sont là pour la montrer aux gens, ce sont les ulamas. Al-ulama qui ont la connaissance du livre d'Allah, la sunna du prophète et les traces des pieux prédécesseurs, ceux qui ne dévient pas et qui ne changent pas. Ce n'est pas un problème politique qui les fait changer de voie. T'as des gens, ils sont là aujourd'hui, il y a un problème qui se passe dans le monde, ils sont chez les tekfirs. Un autre problème il se passe, ils se retrouvent chez les tablis. Voilà, c'est lui en fonction de ce qui se passe dans le monde. T'as des gens, ils sont avec toi, il y a un problème dans tel pays, et puis ça lui plaît pas les réponses des ulama, parce que c'est lui croit qu'il a la capacité de pouvoir juger et de comprendre mieux les choses, hop, il va changer de camp. Non. Là, le musulman se doit d'être convaincu qu'il est bien sur le droit chemin. Convaincu. Et il ne faut pas que ça le fasse zigzaguer, ces choses-là. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu te dois de te soumettre à la loi de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dis-nous, Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anhu. Il dit dans son hadith, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens questionnaient le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sur le bien, et moi je le questionnais sur le mal, de peur de l'atteindre. Et vous connaissez la parole du poète qui a dit, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. J'ai connu le mal, non pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Mais pour m'en préserver, car celui qui ne connaît pas le mal du bien tombe dedans. Ça, c'est important que le musulman. Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiallahu anhuma. Donc, c'était les débuts de la secte de l'Qadariyya, ceux qui se sont égarés dans le domaine du destin. Ils ont entendu des choses. Ils ont dit, lorsqu'on ira à Mecca, dès qu'on rencontre un compagnon du prophète, on va lui dire, on va le questionner sur ça. Et ils sont tombés sur qui? Sur Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiallahu anhum. Ils sont entrés à la mosquée, un s'est mis à sa droite, l'autre s'est mis à sa gauche. Et il y en a un qui a parlé. Il a dit, au fils de Khattab, au fils de Omar ibn Khattab, chez nous, à Basra en Irak, il y a des gens qui disent ça, ça, ça. Abdullah ibn Omar, il leur a dit, أخبروا هؤلاء بأني بريء منهم وهم براء مني. Annoncez à ces gens-là que je suis innocent d'eux et que eux sont innocents de moi. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien à voir avec eux, ils n'ont rien à voir avec moi. Et qu'ils ne seront véritablement croyants que s'ils croient au destin bon ou mauvais de la part d'Allah. Il est dur, Abdullah ibn Omar, on va dire. Parce que nous, on ne voit pas le danger de dévier de la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'innovation, au début, elle est petite. Les gens ne la font pas attention. Mais à la fin, ça devient grand. Le Khawarij, les débuts de ces gens-là. Abu Musa al-Ash'ari, comme c'est rapporté dans Sunan al-Darimi, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, il habitait à Al-Kufa. De même qu'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il est plus savant. Et il était de bon comportement que lorsqu'il y a plus savant, on laisse la tâche au plus savant pour régler un problème. Abu Musa al-Ash'ari est entré à la mosquée de Al-Kufa et il a vu les gens faire quelque chose. C'était quoi? Ils étaient assis en cercle, petit cercle, et un homme au milieu avec des pierres, et il dit, dites Subhanallah 100 fois, dites Alhamdulillah 100 fois, dites La ilaha illallah 100 fois. Lorsqu'il a vu ça, il fut étonné, il est sorti cherché Abdullah ibn Mas'ud. Il est arrivé devant la porte de la maison d'Abdullah ibn Mas'ud. Il a demandé aux jeunes qui étaient assis, regardez les tulab al-ilm, les chercheurs de science, les étudiants, assis. Pourquoi? Parce qu'Abdullah ibn Mas'ud, il fermait sa porte, tellement qu'il ne voulait pas parler. Il ne cherchait pas à se faire voir les gens. Et eux, ils disaient quoi? Ah ben, il a fermé sa porte, et ben on s'en va. Non, on veut vraiment. Et ben, il reste devant la porte. Au minimum, il est obligé d'aller à la mosquée. Donc, on marchera avec lui. On lui posera des questions pendant le trajet qui nous parle un peu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas aujourd'hui, ouais, il veut le cheikh, il nous a fermé sa porte, bon, ben, ça y est. Ça, c'est un problème, un grand problème qu'on a dans le domaine du comportement. Tellement qu'il voulait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ben, ils ont montré vraiment leur attachement. Ils ont dit, il leur a dit, est-ce qu'il est sorti à Abu Abdurrahman, c'est Abdullah ibn Mas'ud? Ils ont dit, non, pas encore. Il restait avec eux à attendre. Lorsqu'il est sorti, il lui a dit, ô Abu Abdurrahman, j'ai vu tout à l'heure quelque chose dans la mosquée que je n'ai jamais vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça veut dire que si ça ne fait pas partie de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des innovations. C'est simple ou pas? C'est très très simple. Donc, il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, si Allah te donne encore la vie, tu le verras. Abdullah ibn Mas'ud, il a pris son turban, il s'est couvert le visage avec. Vous savez comment ils font les Arabes en laissant que les yeux apparaître? De loin, on voit pas vraiment c'est qui. Et il est rentré dans la mosquée. Et il les a regardés faire. Il les a découvert son visage. Et il leur a dit, je suis Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ouvrez une porte d'égarement alors que les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas encore usés et que ses ustensiles ne sont pas encore cassés. Ça fait pas longtemps que le prophète est mort, ça veut dire. Vous avez déjà commencé, vous commencez déjà à vous égarer. Un des hommes a dit, ô Abu Abdurrahman, nous n'avons voulu en cela que le bien. Il y en a beaucoup qui nous disent ça. Il dit, ouais, mais moi j'avais une bonne niya, je voulais bien. Bon, c'est pas grave, t'avais une bonne niya. Mais maintenant, t'as compris que c'est pas bien, tu arrêtes. Ça y est, c'est le passé, c'est le passé. Maintenant, tu arrêtes, c'est ça qui t'est demandé. Et il dit, fais taouba, et puis c'est fini. Les gens, ils comprennent pas. Hey, tu savais pas, tu avais une bonne niya. Heureusement que tu n'avais pas une mauvaise niya. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu as appris que c'était une erreur. Tu ne le fais plus. Il y en a, ils vont te dire quoi? Ils ramènent leur raisonnement. Mais qu'est-ce qu'il y a quand même mal? Subhanallah, c'est mieux qu'ils fassent subhanallah, alhamdulillah, qu'ils n'allaient pas n'importe quoi dehors. Et pourquoi vous. Subhanallah, les gens, pour défendre la déviation du chemin du prophète, ils se ramènent toute forme de raisonnement pour pouvoir la défendre. Alors qu'il n'y a pas lieu de le ramener. Il n'y a pas lieu de le ramener. Donc, il leur a dit quoi? Il leur a dit, laissez tomber cela. Et Inch'Allah, je demande à Allah que vos hasanat, vous ne les perdez pas. Et je vous garantis que vous ne perdrez pas vos bonnes actions. Et quand l'homme lui a dit, mais on a voulu en faisant cela que le bien, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, et combien en voulant le bien ne l'atteigne pas? Et combien en voulant le bien ne l'atteignent pas? C'est pas parce que tu as voulu le bien que tu atteins le bien. Parce que comme vous savez, une bonne œuvre, pour qu'elle soit considérée comme bonne œuvre, il lui faut deux conditions initiales. C'est quoi? Une sincérité complète pour Allah Azza wa Jal, que l'acte soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, sinon Allah le rejette. Et deuxième condition, un suivi conforme de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si l'acte tu l'as fait sincèrement pour Allah, mais qui n'est pas conforme à la sunna, il n'est pas accepté. Et si l'acte que tu as fait est conforme à la sunna, mais tu l'as fait pour autre que Allah, l'acte n'est pas accepté. Donc il faut les deux conditions. Il faut les deux conditions. C'est pas toi qui décide. Si l'acte doit être accepté, c'est pas toi qui décide. Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Et il n'était pas permis à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, de décider d'eux-mêmes. Et ceux qui désobéissent à Allah et à son messager s'égarent d'un égarement évident. Tu n'as pas à décider lorsqu'Allah et son messager ont décidé. Tu dois te soumettre. C'est ça qui est demandé. Donc, et ces gens-là, qu'est-ce qu'il dit le rapporteur du hadith? Il dit, « لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ يُقَاتِلُونَنَا يَوْمَ نَحْرَوَانَ » On les a vus, tous ces groupes-là, là, qui n'ont pas voulu écouter Abdullah ibn Saoud. Ils nous combattaient le jour de Nahrawan. C'était la bataille avec les Khawarij. Ils ont fait une petite déviation, ils n'ont pas voulu revenir, ils se sont retrouvés chez les Khawarij, plus tard. Et c'est ça, parce que le début, quand tu ouvres la porte, tu es pas loin de l'Haq. Mais après, tu t'éloignes. Et tu t'éloignes. Et tu t'éloignes. Et ça, c'est très grave. Et l'innovation, c'est pire que le péché. Parce que le pécheur, celui qui fait des péchés, il sait qu'en faisant le péché, il ne se rapproche pas d'Allah. Et il sait qu'il est en train de faire un mal. Il y a un espoir qu'il revienne et qu'il se repente à Allah Azza wa Jal. Vous avez déjà vu quelqu'un boire le vin et il dit c'est une ibadah et je me rapproche avec, auprès d'Allah? Ou quelqu'un faire zina et dire je me rapproche avec ça auprès d'Allah? Ou quelqu'un voulait dire qu'il se rapproche d'Allah? Il prenait n'importe quel jeune, il le sait. Il dit ouais, je sais que c'est haram, Rabbi Hdini. Il le sait que c'est haram. Il le sait qu'il ne se rapproche pas d'Allah. Mais le bid'a, c'est tout le contraire. Al-Mubtadi'a, quand il fait sa bid'a, lui, il pense qu'il se rapproche d'Allah. Il pleure dedans, il est sincère dedans. Et quand tu viens, toi, il ne comprend pas. Il dit, pourquoi tu ne laisses pas adorer Allah? Lui, il ne comprend pas. Et les gens de dehors, les gens de la masse, pour eux, c'est quelqu'un qui adore Allah. Alors qu'en vrai, lui, il pense se rapprocher, mais il ne fait que s'éloigner d'Allah. Il ne fait que s'éloigner d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans son hadith, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et dans une autre version, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. Est à rejeter, elle n'est pas acceptée. Ibn Uthaymin, rahimahullah, par exemple pour Zakat al-Fitr, qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, on doit la donner en nourriture. Et c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la majorité de tous les fuqaha et les savants, c'est ce qu'ils disent, qu'il faut la donner en nourriture. Il n'y a que Abu Hanifa qui les a contredits et ils ont refuté et rejeté sa parole. Et comme quoi elle est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas acceptée. Eh bien, il y en a beaucoup aujourd'hui, comme le Qardawi et bien d'autres, qui poussent les gens à la donner en argent. Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, dans une khutbah concernant zakat, cette fois-là, il dit, sortez cette zakat comme vous l'a ordonné le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec la nourriture. Et ne la sortez pas ni en argent, ni en vêtements. Si quelqu'un venait à donner à la place du sa' de ta'am, c'est-à-dire cette mesure de nourriture qui est demandée, à la place de cette mesure-là, il viendrait à donner à la place de ça 1000 dirhams, ou 1000 francs, comme vous voulez, aux 1000 vêtements, ceci ne sera jamais accepté de lui. Et pour preuve, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. Les gens, comment ils font, les gens, c'est grave. Le prophète il dit comme ça, lui il dit non, je veux comme ça. Lui il dit à droite, l'autre il dit non, je veux à gauche. Ça, c'est pas des gens qui sont convenablement soumis à l'ordre d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, l'innovation c'est très très grave. Et le musulman se doit de se mettre en garde contre les innovations et contre les innovateurs et contre tout ce qui mène à la déviation de la sunna du prophète sallam et prévenir ses frères. De même que si ton frère était aveugle et il marche sur un chemin et il y a un trou en face de lui et il ne le voit pas, tu t'empresses de le retirer de ce chemin pour ne pas tomber dans le trou. Et tout le monde dira que tu lui as fait un bien pour lui. Même si lui il dit laisse-moi tranquille, je préfère me débrouiller tout seul. Mais toi tu sais que le pauvre il va tomber dedans, tu feras tout pour ne pas le laisser tomber dedans. Et bien sachez que ce domaine-là, c'est encore pire. L'innovation, c'est pire que le péché. Et c'est pour ça que certains des salafs disaient Al-bid'atu ahabu ila iblis min al-marsiya. Fa inna al-marsiya yutabu minha. Ou al-bid'a la yutabu minha. Il disait quoi? Il disait l'innovation est bien plus aimée auprès. Écoutez un peu les frères. L'innovation est bien plus aimée auprès de iblis que le péché. Car du péché, on s'en repent, mais pas de l'innovation. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna allaha ihtajab al-tawba an sahibi kulli bid'atin hatta yada'a bid'atah » Certes, Allah a stoppé le repentir de tout innovateur jusqu'à qu'il délaisse son innovation. C'est pas des choses à prendre à la rigolade. C'est très très grave. Ça c'est pourquoi? Parce que l'innovateur, il se prend pour un législateur. Pourquoi? Parce qu'il rajoute quelque chose dans la religion d'Allah. Comme si la religion d'Allah, elle n'était pas complète. Comme si la religion d'Allah, elle n'était pas complète. Alors qu'Allah il a dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme étant votre religion. Donc l'islam est parachevé par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a plus rien de nouveau à mettre dans l'islam. Ma min khayrin yuqarribu min Allah wa yudkhilu al-jannah illa wa qad 'allamana iyyahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma min sharrin yub'idu min Allah wa yudkhilu an-nar illa wa qad haddara minhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un bien qui nous rapproche d'Allah et qui nous fait entrer au paradis sans que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait pas enseigné. Et il n'y a pas un mal qui nous éloigne d'Allah et qui nous fait entrer en enfer sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous ait pas averti. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat al-fajr, puis il est monté sur le minbar et il a parlé aux sahaba jusqu'à l'adhan de l'asr, de dhuhr. Puis il est descendu et il a fait la prière de dhuhr. Et il est remonté sur le minbar. Et il a parlé jusqu'à l'adhan de l'asr. Puis il est descendu. Il a fait la prière de l'asr. Puis il est remonté sur le minbar. Et il a parlé jusqu'à l'adhan de l'maghrib. Depuis le fajr jusqu'à le maghrib. Les sahaba ont dit, il n'a rien laissé depuis qu'Allah a créé les créatures. Jusqu'au jour où les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront en enfer sans qu'ils nous en aient pas parlé. Même l'oiseau qui volait au-dessus de nos têtes, s'il y avait une connaissance à en prendre, il nous en parlait. S'en rappelle celui qui s'en rappelle, l'a oublié celui qui l'a oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout montré aux compagnons. C'est à nous. Les gens, au lieu d'aller lire Nostradamus, ou d'aller voir les marabouts, ou d'aller voir, je ne sais pas, les horoscopes dans les journaux, je ne sais pas quoi. Amarat al-sa'a, al-sughra wal-kubra, les signes de la fin des temps, les petits et les grands, tout ça, combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui est le véridique. Car ce qui sort de sa bouche n'est qu'une révélation qui lui a été révélée de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, les gens ne lisent pas. Lisez les signes de la fin des temps. Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, il a un grand livre sur l'histoire. Il s'appelle Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le début et la fin. Le dernier volume, c'est Al-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Ça concerne tout la fin des temps. Un gros volume de plus de 400 pages. Combien des versets, des hadiths, des paroles de sahaba et tout ça concernant les signes de la fin des temps. Les gens, non. Qu'est-ce qu'ils sont intéressés par quoi? Par les horoscopes et par je ne sais pas quoi. Wal-iyadu billah, ça c'est du shirk. Prophète a dit, celui qui vient voir les devins ou ce genre de marabouts qui disent le futur, sans croire en ce qu'ils disent, ils vont les voir, celui-là, pendant 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Pendant 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Mais s'il va les voir et il croit en ce qu'ils disent, celui-là, il a mécru en ce qui a été révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très très grave. Faut pas prendre des choses. On a l'impression que les gens prennent un peu les choses à légère. L'innovation, c'est très très grave. L'innovateur, c'est un danger. Parmi salaf, il y a le Fadhil ibn Iyad rahimahullah qui disait, je préfère manger chez un juif ou un chrétien que chez un innovateur. Je voudrais qu'entre moi et l'innovateur qu'il y ait un immense mur de d'acier. Il y en a un qui disait, je préfère voir mon fils tomber dans tel péché, tel péché, tel péché, et ne pas fréquenter tel innovateur. Et aujourd'hui, les gens, c'est tout le contraire. Ça leur fait rien d'être avec les innovateurs. Lorsqu'il y avait Al-Khawarij, lorsqu'il y avait Al-Qadariya, lorsqu'il y avait Al-Jahmiya, lorsqu'il y avait Al-Mu'tazila, les ulama, ils étaient là pour les contrer. Ils étaient là pour réfuter leurs paroles. Ils étaient là pour les rejeter, pour sauvegarder la communauté. Il y a des gens qui ont rentré dans la philosophie, dans des écoles de pensée innombrables. Et ils sont devenus des maîtres dans ces matières-là. À la fin de leur vie, ils sont revenus, ils ont compris qu'il faut suivre le Coran et la Sunna. Et ils ont fait Tawbah. Jusqu'à ce que parmi eux, il y en avait qui disaient, parmi eux, il y a Fakhruddin al-Razi, il y a al-Ghazali, il y en a beaucoup, l'ancien Ghazali. Il y en a beaucoup qu'à la fin, ils ont compris que tout ça, c'était une perte de temps. Et ils ont dit, nous avons visité toutes les écoles. Et nous avons amassé ce que nous avons amassé. Et à la fin, on vient mourir avec la croyance des vieilles femmes de Nessabour. Nessabour, c'est une région en Asie, parce que beaucoup de gens, ces gens-là étaient originaires de là-bas. Les vieilles femmes, c'est quoi les vieilles femmes? Miskina, la vieille femme, elle a sa petite croyance. Alhamdulillah, elle écoute le Coran, elle fait sa prière, elle connaît pas trop de toutes ces divergences et tout, mais elle a sa croyance simple. Elle lit le Coran, elle ne dément pas, elle rejette pas les versets. Pas simple. C'est ça, c'est comme le Sahaba radiallahu anhu, c'est ça qu'il lui demandait. Eux, ils sont venus avec la polémique, ils sont venus avec l'innovation et tout, ils ont éloigné les gens, ils ont égaré les gens. Ils pensent que la traduction des livres de philosophie a été une lumière, ça a été des ténèbres. Ça n'a ramené que des problèmes. Et donc à la fin, ils disent on meurt avec la croyance des vieilles femmes de Naysabour. L'innovation, c'est très très grave. Il faut s'en éloigner. Le prophète m'a mis en garde contre. Et l'innovateur se prend pour un législateur. Car il rajoute dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne comprends pas les gens, des fois, comment ça se fait. Lorsque tu leur enseignes des règles de l'islam, ils te disent, ouais, mais on ne peut pas tout appliquer, il faut aller doucement et tout. Mais il a le courage d'appliquer des choses qui ne sont pas demandées en islam. Là, il n'y a pas de problème pour lui d'aller s'enfoncer dans des choses qu'on lui dise, tu dois dire 1000 fois tel zikr, tu dois réciter 3000 fois qul huwallahu ahad. Il arrive, il a le courage de le faire. Mais tu lui dis une sunna, il a du mal à la faire. Wal'iyadhu billah. C'est très très grave. Et ça, vous le vivez, vous le voyez autour de vous. Ils arrivent à accepter des choses, des. A'udhu billah. Les ulama ont toujours été là pour réfuter ce genre. C'est les sectes et tout ça. Toutes les sectes soufis, quelles que soient, ils sont innombrables. Eux, d'abord, ils disent qu'il y a autant. Il y a le nombre de chemins qui mènent à Allah est au nombre des créatures. Donc, ce sont les 6 milliards, il y a 6 milliards de chemins qui mènent à Allah. Donc, eux, ce sont pas tout le monde. Et c'est pour ça que c'est facile de créer des sectes soufis hein, chez eux. N'importe qui peut le pauvrir une secte soufie. Et l'autre n'a pas à lui reprocher. Wal'iyadhu billah. Donc c'est pour ça que le musulman s'éloigne de toutes les sectes. S'éloigne de toutes les sectes. Même s'il le faut à la fin, tu te retrouves tout seul. Et Al-Jama'a, c'est pas comme les gens croient. Dans la mosquée, par exemple, vous avez 10 personnes. 9, ils ont une opinion, le 10e, il n'est pas d'accord avec eux. Ils vont lui dire quoi? Non, t'as vu, le prophète, il a dit que la main d'Allah est avec le groupe, il faut rester avec le groupe et tout. Mais c'est pas ça le hadith qui dit. C'est pas ce que vous êtes en train de faire. Vous, là, les 9, parce que ça se trouve, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Vous êtes dans les garments, c'est peut-être lui qui a raison. C'est pas obligatoirement vous qui avez raison. Donc les gens, ils ramènent les hadiths là où on n'a pas le ramener. Al-Jama'a, comme il dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit Al-Jama'a. Le groupe, c'est quoi? C'est ce qui est en concordance avec la vérité, même si tu te retrouves seul. Même si tu te retrouves seul. Regardez, Hudayf ibn Yaman, il dit, Ya Rasulallah, فماذا أعمل إذا لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام. Il dit, فالزم جماعة المسلمة إمامهم. Reste avec le groupe des musulmans et leurs gouvernants. Il dit, s'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de gouvernant. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, i'tazil tilka al-fira kullaha. Éloigne-toi de toutes ces sectes. Ou alors, ta'adda ala asli shajara. Hatta yudrika al-maut. Quitte même à aller te rattacher à un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne. Il lui a pas dit, non, c'est tes frères, allez hop, mélange-toi avec eux. Lorsque le prophète a dit, fa'innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Il a dit quoi? C'est pas grave. Mettez en application les choses dans lesquelles vous êtes en accord. Et là où vous n'êtes pas d'accord, chacun excuse l'autre. Des règles, on dirait. C'est les juifs, ça vient des juifs, ça vient pas des musulmans à l'origine de ce genre de règles. On se demande comment des musulmans puissent nous ramener des règles comme ça. Ça veut dire quoi? Moi je suis sunni, toi t'es chiite. Bon, on est d'accord sur ça, ça, on est en accord. On n'est pas d'accord, toi tu insultes les sahabas, je suis pas d'accord avec toi. Mais bon, bah ça, on s'excuse les uns les autres. C'est quoi ces manières? Bon, moi je dis Allah, fils sama, et toi tu dis non, non, non, Allah il est le makan, Allah il est là. C'est quoi ces manières? Et ça, c'est ce qu'il dit, Juan. Les Juan, ils disent, faut pas parler sur ça, pourquoi? Parce que ça divise. Donc, ils veulent l'union, ils veulent compter le nombre de gens. Combien d'adhérents ils ont? Combien d'argent va rentrer dans les caisses? C'est ça qui les intéresse. Hein? Voter pour nous, c'est ça qui les intéresse. Hein? Bon, Allah al-Musta'an, ça c'est pour ça que les musulmans se doivent de s'éloigner des innovateurs. Les innovateurs ne ramènent que le mal. Et arrêtez de juger de vous-même. Demandez aux ulama connus, reconnus, pour leur suivi conforme de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est un danger. Les frères musulmans, l'établir, parce que je préfère vous parler un langage d'aujourd'hui, parce que si on cite les jama'at d'avant, peut-être que vous allez établir. Tout ça, c'est des innovateurs. Jama'at établir, jama'at, c'est les croyants musulmans, sororiyin, qutbiyin, tout ça, ce sont des innovateurs. Les musulmans s'en éloignent. S'en éloignent. Il n'y a aucun bien à rester avec eux. S'il y a des jeunes qui n'ont pas compris, tu peux leur donner une cassette, tu peux leur donner un livre, tu peux l'emmener avec toi. Alhamdulillah. Sinon, si c'est pour polémiquer, pour toujours dire, je lui ai dit, il m'a dit, je lui ai donné, il m'a donné, ça ne sert à rien tout ça. Ça, c'est de la perte de temps. De la perte de temps. Les salaf, les plus précurseurs, ils interdisaient et ils ne recommandaient pas aux gens de taper des polémiques. Ah non, jamais. Eux-mêmes qui étaient des imams et des ulama, ils bouchaient leurs oreilles devant les innovateurs. On peut dire de nous qui sommes tout jeunes, qui connaissons presque rien, on va s'amuser à taper des discussions avec les gens. Alors, je voulais lui parler, je voulais lui expliquer. Qu'est-ce que je vais lui expliquer, mon frère? Lui, il n'a pas entendu les ulama, il entend toi. C'est un danger. Et il y en a qui tombent dans l'innovation parce que ils ont voulu, soi-disant, faire du bien, mais ils n'ont pas voulu écouter les conseils. Et jamais les ulama ils disent aux gens, allez taper des polémiques. Parce que la polémique n'est donnée qu'aux innovateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Il n'y a pas un peuple qui s'égare après qu'ils aient été sur le droit chemin sans que la polémique ne leur soit pas donnée. La polémique, c'est les gens de l'innovation. C'est les gens. Et un homme, il lui voit l'imam Malik. Il lui a dit, je veux discuter avec toi. Je veux te confronter. L'imam Malik lui a dit, et qu'est-ce qu'il y a si tu gagnes? Il lui a dit, bah, tu devras me suivre. Il lui a dit, mais si tu rencontres quelqu'un d'autre et il gagne, qu'est-ce que tu fais? Ben, il a dit, je le suivrai. Il lui a dit, excuse-moi, il lui a dit, va vers quelqu'un qui est en doute dans sa religion, moi je suis sur une certitude de ma religion. Voilà. Moi, alhamdoulilah, je suis sûr de ma religion. Toi, tu es dans le doute. Parce que la religion, elle va devenir quoi? Elle change du jour au lendemain. Un jour, t'es là, un jour, t'es là, un jour, t'es là, un jour, t'es là. C'est là ta religion. Lui, il m'a battu, je vais le suivre. C'est moi qui l'a battu, c'est lui de me suivre. Non. Va vers quelqu'un qui est comme toi, ne discute plus. Moi, alhamdoulilah, je suis certitude de ma religion. Un innovateur, l'innovant, il lui a dit, je veux réciter le Coran vers toi. Il lui a dit non, j'ai peur que ça rentre dans mon cœur. Même ta récitation, je n'ai pas envie de l'écouter. L'imam Ahmed al-Hanbal était avec un de ses fils à la mosquée. Un innovateur s'est mis à parler, il lui a dit, mon fils, bouge-toi les oreilles, j'ai peur que quelques paroles de cette personne tombent dans le cœur. Parce que le cœur, il est faible. Le cœur, il est faible. Des fois, tu vois, tu sors dehors, tu es tranquille dans ta tête. Tu rencontres ces gens-là, tu tapes une discussion avec eux, tu rentres chez toi, tu es malade. Ils t'ont rendu malade. Ils t'ont mis du doute. Ils t'ont mis du doute sur tout. Et tu rencontres tes frères. Mais tu savais, c'est quoi? Comment ça se fait qu'il y a ça, ça? Voilà. Alors que tu étais tranquille, ils te mettent. Et c'est ça. Eux, c'est le poison. Au lieu de mettre. C'est le poison. Pourquoi? Parce qu'ils sont empoisonnés. L'innovation, c'est du poison. Et le musulman se doit de s'en éloigner. Se doit de s'en éloigner. Et de suivre le droit chemin. Clairement. Et arrêter de polémiquer. Arrêtez de polémiquer. Vous devez vous entraider entre salafis, entre gens du droit chemin. Entre deux gens. Qui va suivre la vérité, qui va suivre la faction rescapée, le groupe sauvé. C'est ça qui est demandé. Et s'éloigner des tekfir, s'éloigner des qutbi, s'éloigner des murji, s'éloigner des hizbi, des ikhwan, des sorori, d'établir. Ikhwan, c'est des dangereux. Et beaucoup de ces mouvements-là, ils sont nés de chez les ikhwan. Le tekfir, ils sont nés chez les ikhwan. Sororiyin, ils sont nés chez eux. Tout est né chez les ikhwan. Ils n'ont fait naître que du mal. Déjà, eux, à l'origine, c'était du mal. Et ils n'ont fait naître que du mal. D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien le savoir. Ces gens-là, ce sont. Ils détestent. Le Cheikh Al-Albani, rahmallah, dans une cassette, dans une discussion avec un élève de Sourour, il lui a dit, cet élève-là, il lui a dit, mais les Khouan Muslimoun font partie des gens de la Sunna. Il lui a dit, non, eux, ils combattent la Sunna. Et c'est réel, ils combattent la Sunna. Et Cheikh Al-Albani, dans une cassette, il a dit, Haoula a'da'u tawhid. Ce sont les ennemis du monothéisme. Ils détestent le tawhid. Ils détestent la sunna. Et ça, c'est connu. Ce sont des caméléons. Dans des bleds où tout le monde met le kamis, ils mettront le kamis, ils mettront le lihya. Hein? Dans d'autres bleds, c'est costume, cravate, bien rasé. Hein? Et ils appellent à l'union des religions. C'est eux que tu les vois tout le temps, des réunions avec les rabbins et puis les prêtres et tout ça. Père Michel Lelon et je ne sais pas quoi. Chez nous en France, on les a. Hein? L'union des religions, les religions abrahamiques et ainsi de suite. Alors, c'est du confort ça. Comment ça, tu viens légitimer le christianisme et le judaïsme? Tu dois leur dire, comme il a dit Allah à son prophète, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dis, oh les vous les gens du livre, venez à une parole semblable entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah sans rien lui associer, et qu'on ne prenne personne comme Seigneur en dehors d'Allah. Et que s'ils se détournent, ils leur soient témoins que nous sommes musulmans. Comment ça tu dis? Naam, l'essentiel c'est nous, on croit au même Dieu. Comment ça? Lui c'est le Uzair. Et l'autre c'est Isa. Crois pas en Allah. Faut arrêter. Dis-lui, est-ce que tu crois en Allah? Faut pas qu'il s'amuse avec les mots. Il dit oui, mais nous, vous c'est Allah, mais nous, c'est un autre nom qu'on a. Non, ça n'existe pas ça. Ce sont des koufars, mouchriquines. On n'a pas à faire des azis comme ça avec eux. On doit les inviter à l'islam. On doit les inviter à la religion. On doit les inviter à la lumière pour les faire sortir des ténèbres. C'est ça qui est demandé. Et non pas le contraire. De leur faire croire qu'ils sont bien comme ils sont. Ou de douter sur leur mécréance. Ouais, mais quand même, il était bien. L'abbé Pierre, il donnait beaucoup aux pauvres et tout. Quand même. Yari, tu doutes sur sa mécréance. C'est grave. Tu vas rendre mécréants des musulmans pour X raisons. Qui eux, à l'origine, sont musulmans. Et c'est là que tu dois quand même douter. Est-ce qu'il est musulman encore ou il n'est plus? Et sur des gens qui n'ont pas de doute, là tu viens douter. Allah al-Musta'an. Ça c'est très très grave ça. Les musulmans se doivent de s'éloigner de ça. Les frères musulmans ce sont des caméléons. Wallahi, vous lisez le livre de Cheikh Salim Hilali, Al-Jama'atul Islamiyya, les mouvements, les groupes islamiques. Un gros livre. Et dedans il fait un chapitre sur chaque mouvement. Dedans il raconte les frères musulmans de Jordanie en 1975, dans les années 70. Lorsque certains membres des frères musulmans, ils la font peur. Pour eux, ils lui ont tellement fait comprendre que l'amen, le travail pour l'islam, c'est dans, au sein d'eux. Quand tu sors, t'as été sorti de la miséricorde d'Allah. Pour ça y est, t'es foutu. Et c'est vrai qu'il y a des gens parmi eux, ils ont peur. Ils pensent que ça y est, il n'y a plus rien à faire. Parce que travailler pour Allah, c'est travailler dans leur mouvement. Allah, il faut s'en éloigner, ce sont des mubtadi'a, les ennemis de l'Ahlul Hadith. Et ça, le salaf le disait. Min alamati ahlil bid'a al-waqi'atu fi ahlil athar. Parmi les signes des gens de l'innovation, c'est qu'ils parlent en mal, ils critiquent les savants de l'Athar, les savants de la Sunna. Les savants de la Sunna, et ça c'est connu. Ils s'attaquent à eux, pourquoi? Parce que ce sont les défenseurs de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils mélangent tout dans leur rang. Ils ont même des chrétiens dans leur rang en Égypte. Des chrétiens. Et ils vont défendre Hassan Tourabi, ils défendent tout ce qui est indéfendable. Et dernièrement, pendant les 5 années où c'était les talibans qui avaient le pouvoir en Afghanistan, alors que Cheikh Rabi Hafizallah, il disait bien que dans tous les mouvements, ils ont tous des choses à revoir, mais que les talibans sont bien meilleurs, bien qu'ils ont des choses à revoir, sont bien meilleurs que toute l'Alliance du Nord là, celle qui a ramassé toute Dalal Mouvil. Toute Dalal Mouvil, ils sont mis dedans. Il y a les chiites dedans, il y a les Rouanes, c'est eux qui font tourner tout. Il y a les communistes, il y a tout ce qu'ils ne font pas, se sont mis dedans. Même l'ennemi de Dia, les soviétiques, se sont mis avec eux. Tout. Wal'iyadu billah, Dalal Mouvil. Et jusqu'à que même les Rouanes, tu les entendais en France, moi je me rappelle, ils nous traitaient nous de talibans. Oh, vous êtes comme les talibans. Ouais. Ils se moquent de quoi? Allah. Et là, quand ils ont vu que la masse des musulmans, parce que les musulmans, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils avaient plus d'affection pour les Afghans que pour les Américains. Parce que le musulman, il ne veut pas que ses frères soient touchés. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont retourné leur veste. Des caméléons. Ils ont dit oui, on est avec les talibans, on n'est pas avec l'Alliance du Nord. Ah, pendant 5 ans, c'est avec l'Alliance du Nord, aujourd'hui, ils ont dit. Allah al-Musta'an. Allah, c'est très très grave. Là où là, les frères musulmans, ils viennent, ils disent oui, mais votre cheikh, il a dit, votre cheikh, il a dit. Mais vous, c'est du kufur qui sort de chez vous. C'est du kufur. Qardawi, il a dit qu'un Américain musulman peut combattre sous la bannière, sous le drapeau américain pour prouver sa citoyenneté. Personne n'a parlé. Personne n'a rien dit. Il n'y en a pas un qui a bougé, qui a dit quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est Qardawi. Ça serait quelqu'un d'autre qui l'aurait dit, ils auraient monté toute la terre. Un des grands de chez eux, qui s'appelle Saïd Hawa, il avait dit, même des fois des gens de chez eux, ils reconnaissent certaines vérités. Il avait dit, si la CIA, le Mossad, le KGB, tous les plus grands services de renseignement se réunissaient pour salir l'image de quelqu'un, ils ne pourraient jamais le faire comme ils le font les frères musulmans. Et ils ont été salir l'image de Cheikh Al-Albani dans le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas l'Albani. Ouais, mais pareil, lui, pareil. Albani, des Palestiniens sont venus le voir, ils lui ont dit, Yachir, on ne peut pas prier, on ne peut pas adorer Allah dans telle région de Palestine. Il leur a dit, vous prenez vos bagages, vous partez. Ardullahi wasi'a, la terre d'Allahi vaste. C'est tout à fait simple, c'est normal. Et Ikhwan, ils ont pris ça, ils ont été dire dans toute la terre, Albani, il a dit qu'il faut laisser la Palestine pour les juifs. Il faut la quitter. Il faut que tout le monde parte. C'est en vrai, c'est pas un musulman, c'est un juif. Il travaille pour le Mossad, et ainsi de suite. Et même du haut des minbars de Amman, la capitale de Jordanie, les imams l'ont traité de juif, l'ont traité de. Et Albani l'entendait. C'est grave ce qu'ils font. C'est très très très grave. Des gens comme ça, ils défendent aveuglément ce qui est indéfendable. Ce qui est indéfendable. Pas seulement parce que Hamas, des fois, ils font des choses contre les juifs. Soit, mashallah, ils sont bien. Hamas, ils frappent les frères de la Sunna chez eux en Palestine. Et même si des fois, ils en massacrent. Ça, les gens ne le savent pas. Hein, écoutez un peu les cassettes où il y a des Palestiniens qui se plaignent à Cheikh Al-Albani et ils racontent ce qu'ils vivent comme problème avec les gens du Hamas. Les gens, ils ne voient pas. Les gens, Wallahi. Donc, Fidel Castro, étant donné qu'il tient tête à l'Amérique, il dit c'est quelqu'un de bien alors. Mais non, c'est un kafir, c'est un communiste, c'est un kafir. C'est pas parce qu'il a tenu tête à l'Amérique qu'il va aller au paradis. Il faut arrêter les frères de mélanger les choses. Allah, il faut retourner aux ulama, il faut arrêter de rentrer dans. Les gens, ils ramènent leurs émotions ou leurs passions, ils mélangent ça avec l'ilm. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. L'ali, il ne va pas te ramener ce que toi tu veux, il va te ramener ce que lui, il a vu comme vérité. C'est ça qu'il va te ramener. Pas comme eux. Eux, ils ramènent seulement, ils regardent un peu autour d'eux comment ça se passe, ils ramènent ce que les gens aiment. Ils ramènent ce que les gens aiment. L'établir, n'en parlons même pas. L'établir, n'en parlons même pas. Non, c'est pour ça que mes frères, il faut arrêter. Établir, tu dis, ouais, mais Ibn Uthaymin a dit qu'on était bien. D'accord. Et où votre marquez ? Telle adresse ? Je vous ramène tous les livres de Charles Ibn Uthaymin, vous les enseignez. Ah, là, il n'y a plus d'Ibn Uthaymin, là. Abou Al-Jazari a dit qu'on était bien. D'accord. Je vous ramène des livres d'Abou Al-Jazari sur l'Aqida et vous les faites. Enseignez-les. Pourquoi vous ne les enseignez pas ? C'est parce que vous devez attendre qu'il y ait l'ordre qui vienne de l'émir de l'Alam, qui est en Inde. Et c'est lui qui donne l'ordre. Et c'est lui qui vous a dit, vous devez lire tel livre, tel livre, tel livre, c'est tout. Faut arrêter de se moquer du monde. Faut arrêter de se moquer du monde. Wallah, c'est très très grave ces gens-là. L'innovation, elle est très très grave. Wallah, c'est des grands ennemis. Des grands ennemis de la Sunna. Il y a des pays, lorsqu'ils peuvent taper, ils tapent. Lorsqu'ils peuvent tuer, ils tuent, ces gens-là. Mais il y a des pays, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a la justice, ils ne peuvent pas. Donc ils s'y prennent d'une autre manière. Ce sont des caméléons. Des vrais caméléons. Mais ils ont plus de couleurs que le caméléon. Il y en a rien deux. Ils en ont plus. Au Yémen, Cheikh Moukbel, alayhi rahmatullah, un jour il fut convoqué par le président du pays. Il fut convoqué. Alors qu'il arrive, il trouve qui ? Zindani devant lui. Une des grosses têtes de l'Ikhwan au Yémen. Et Zindani, quand vous le voyez, vous dites, oh là là, mais lui, c'est quelqu'un qui a la sunna. Une grande barbe, le turban, le vêtement nécessaire, une melhenna. Vous dites, c'est même pas. Pourquoi ? Parce qu'au Yémen, les gens sont comme ça. Donc ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Qu'est-ce qui se passe ? Ils le trouvent devant lui. Pourquoi la convocation ? Il paraît que vous faites du mal dans le pays. Ouais. Le président dit ça charmant. Ce qu'on va lui dire, tu demandes au peuple si les le sunna font du mal aux gens. Demande-leur c'est qui fait du mal, si ce n'est pas eux, qui eux envoient des gens assassiner. Et nous trouvez-nous une personne qu'on a envoyée assassiner quelqu'un. Jamais. Et ils le font. Ils ont même déjà frappé dans la mosquée d'Abdelaziz de Bouraï. Ils ont tiré dessus. Et là, ah non, c'est dangereux ces gens-là. Faut pas croire. Parce que les gens, j'ai l'impression que les gens ils prennent les choses trop à la légère. Mais nous, alhamdoulilah, on n'est pas comme eux. Nous, on est sûr d'être dans le droit chemin. On n'a rien à craindre, on avance. Il arrivera ce qu'Allah Azza wa Jalla a écrit. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a écrit à une personne, il lui arrivera. C'est tout. Mais ces gens-là, ils ne sont pas clairs dans leur prêche. Ils ne sont pas clairs. Ils jouent avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'un côté, ils te disent, les kuffars, il faut les combattre, il faut faire djihad, Et de l'autre côté, c'est l'un des premiers que tu nous vois dans les mairies. En train de voter pour un tel et un tel. C'est le premier que tu vois en train de, dans les mosquées, se servir des mosquées pour dire, il faut aller voter. Pour tel parti ou pour tel parti ou pour tel parti. Et c'est eux les premiers que tu les vois faire des colloques avec tel communiste ou tel. C'est eux les premiers. Jamais les salafis. Jamais tu ne vois pas faire les salafis. Hein? Et puis ceux qui te disent, ouais, mais nous on veut le djihad. Comment tu veux un djihad et un sim en même temps que tout est mélangé chez toi. C'est très très grave. Wallahi, les frères, c'est très grave. Cher Mourmoun. Après, il lui a dit, oui, mais tes élèves, ils ont rabaissé des tombes. Parce qu'il y a eu une période où des élèves de Cheikh Moukbel, ils ont été rabaissés les tombes. Il lui a dit, mais il n'y a pas de mal dans cela, ça c'est l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça m'a dit à Ali, ou à Ali, ne laisse pas une tombe élevée sans la rabaisser. Donc ils n'ont pas fait de mal, ils n'ont fait que du bien. Et le bien, c'est ce que l'islam demande. Et le mal, c'est ce que l'islam réprimande. Alors, il a demandé à Zindani, qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là ? Il lui a dit, il faut que tu les prennes ou tu les fouettes. Oh, mais le président n'a pas fait. Le président, c'est bon, on a écouté Cheikh Moukbel, Cheikh Moukbel s'est bien défendu. Là où je voulais en venir, pour que vous sachiez les caméléons comment ils sont. Un jour, il est parti en Arabie. À Riyad, Zindani, pour ramasser de l'argent. Parce que c'est leur métier. Leur métier, c'est ramasser de l'argent. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a dans tes poches. Toi, ils sont riches de toi. Toi, si tu n'es pas un étudiant diplômé, docteur en physique ou en mathématiques ou quelque chose, tu n'es pas important pour eux. Pour toi, tu n'es rien. Toi, tu dois retrousser tes manches et mettre la poutre et puis préparer le chapiteau, préparer les trucs. C'est tout. Le reste, ça ne t'intéresse pas de toi. C'est pas important. Et tu prêtes ta voiture quand il le faut, tu ramènes quelqu'un quand il le faut à la gare. C'est pour ça que tu es là. Autre chose, non, ne rêve même pas d'atteindre un poste. Les postes, c'est contre eux. C'est pour ça qu'ils aiment bien les universités. Ils aiment bien. Pour eux, c'est l'élite. L'élite, dans le Dalal. Ils ont raison, ils n'ont pas tort, dans le Dalal. Et c'est pour ça que dans le Dalal, on trouve souvent chez ces gens-là. Ça, c'est clair et net. Et comment ça ? Ils montent à Riyad. À Riyad, on lui a dit, Mashallah, on a entendu que les tombes, ils ont été rabaissés, et tout. Il a dit, oui, c'est nous qui l'avons fait. faut ramasser plus d'argent. Parce qu'à Riyad, c'est des wahhabites. C'est des gens qui sont contre la donation des tombes, c'est des gens qui veulent la sunna, ils veulent que les tombes soient à terre, comme c'est demandé. Voilà. C'est, ça, c'est comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Et ça, c'est un exemple parmi multitude d'exemples. Parmi multitude d'exemples. Qu'est-ce qu'il a, Cheikh Ben Baz? Ouais, Cheikh Ben Baz, il est proche des gouvernants et tout. Ah, mais quand le Qardawi, il est proche de l'émir de Qatar, et qu'il est proche des émirs des Émirats, et qu'il a des liens avec eux et tout, tout ça, c'est pas un problème, tout ça. Et qu'il fait leurs éloges et tout, c'est pas un problème, tout ça. Tant que ça vient de quelqu'un de chez eux, le seul problème des ulamas, c'est parce qu'ils vous ont réfuté. Et le problème des ulamas, c'est parce qu'ils ont montré votre réalité. C'est seulement ça leur problème. Cheikh Rabi, il a quel âge aujourd'hui? Il a près de 73 ans. Il a près de 73 ans. Ça veut dire que c'est quelqu'un, ça fait un moment qu'il vit. D'accord. Il est dans la science, depuis sa jeunesse il est dans la science. D'accord. Et il est professeur à Médine depuis le début des années 70. Il n'a pas d'aujourd'hui. Jamais personne ne parlait sur Cheikh Rabia. Le jour où il a parlé sur Saïd Qutb, ils se sont tous réunis pour le contrer. Et ils ont été inventés. Ouais, en fin de compte, c'est pas vrai. Lui, c'est pas un vrai savant. Lui, c'est un espion, il travaille pour l'État. Et voilà, ils ont commencé. Tout ça du jour au lendemain, ils t'ont fait une image. Sur le chir, jour au lendemain, ils t'ont donné une image sur le chir comme jamais personne ne l'a fait. Comme ils l'ont fait avant avec Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani. Pourquoi tout ça? Parce qu'il pleure sur ce qui a été écrit sur Saïd Qutb. Saïd Qutb dalle. Saïd Qutb dalle. Il a ramené ce que beaucoup de Moutadiens n'ont pas ramené. Il a fait un mélange de bidar comme personne n'a fait avant lui. Il a manqué de respect à Moussa alayhi salam. Mais nous, je crois qu'on a un problème. On ne sait pas c'est quoi un prophète et comment on doit se comporter avec un prophète, hein, et la place qu'a un prophète dans nos cœurs. Moussa alayhi salam, il lui a manqué de respect. Il a kaffar Uthman ibn Affan, il a kaffar Abu Sufyan, Amr ibn al-As. On va où là comme ça? On va où là? Il a ramené Aqidat Wahdat al-Wujud, Aqidat ibn Arabi. Il a fait des mélanges comme personne n'a. Il a kafar toute la Oumma. Il a dit qu'on arrive dans une jahiliya pire que jahiliya d'avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit tous ces sont kuffar. Même celui qui. Il a, même le pauvre Mouazine, il n'a pas laissé tranquille. Il a dit même ceux qui sont en haut du minaret en train de faire l'adhan, ici des kuffar. Comme ça, il a cité. Il les a même cités eux. C'est pour dire qu'il a essayé personne. Et même, il disait, c'est pas la peine de que les ulama répondent dans le domaine du fiqh aux gens. Parce qu'il faut déjà qu'il y ait une communauté à qui on peut enseigner ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Wal'iyadhu billah. C'est très très grave. Et quand Cheikh Rabi, hafizahullah ta'ala, min kulli sou, il s'est levé pour avertir les gens contre le danger de cette kutub, ils sont tous apparus. Ils ont monté leur tête. Ils ont montré leur tête. Non, pourquoi tu dis ça? Et surtout, le pire, c'est quand c'est des gens qui ont écrit des ouvrages pour expliquer des règles de l'islam. Quiconque manque de respect à un compagnon, voilà son sort, voilà son sort, voilà son sort. Le jour où on lui dit c'est trop doux. Non, je suis pas d'accord, je peux aller voir. Ah, ben attends, tu écrivais ça, et le jour où il a fallu appliquer, tu n'étais pas là pour appliquer. Tu vois, comme Bakr Abou Zayd. Bakr Abou Zayd, c'est ce qu'il a fait. Vous lisez certains livres de lui, où dedans il explique vraiment c'est quoi, le manhaj et tout ça et tout. Le jour où il a fallu appliquer sur cette photo, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Wal'iyadhu billah. Ibn Jibril, ça c'est des gens. Disons la science, et que dire des autres? Disons la science, ils sont. Ibn Jibril, il dit que Sayyid Qutb et Hassan al-Banna, ce sont des imams, shuhada, des martyrs, et que ce sont des ulama, et qui ont fait un très grand bien dans la Oumma. Moi, je ne sais pas comment, ce qu'on lui raconte, mais je crois qu'il ne voit pas ce qui se passe dans le monde, et qui sont ces gens-là. Ça, c'est très très grave, ça. C'est très très grave. On n'a pas le droit de. Comme, c'est pour ça que le musulman se doit de se renseigner sur sa religion. Pourquoi? Parce que cette science. Que l'islam, c'est une religion. Voyez donc de qui vous prenez votre religion. Comme il a dit Mohammed Bissi Rahimallah, Innama hazal ilmu di, fan vuru amman ta'khuzuna dinakum. C'est pour ça qu'on se doit de savoir quelle personne, qu'est-ce qu'elle est. Abdurrahman, Abdul Khaliq. C'est des gens qu'il faut éviter, même s'ils se disent, entre guillemets, salafi. Mais eux, ils ont dit la nouvelle salafia. La nouvelle salafia. Et que les autres suivent une vieille salafia. Ou alors ceux qui disent, vous, votre salafia, elle est barda, elle est froide, et nous, on a la salafia srona, la salafia qui est chaude. Hein? Voilà, là, ils s'amusent comme ça, les gens. Ou alors ceux qui sont en Algérie, qui se disent, jama'at salafia, les da'wa al-qital. Ils ont mélangé du tactuel avec salafia, je ne sais pas quoi. Hein? Faut arrêter un peu les bêtises. Faut arrêter un peu les bêtises. faut tout le temps appeler les ulama et rester en contact avec les ulama pour savoir. Et surtout vous ici en Belgique, vous avez des gens qui ne sont pas à suivre. D'accord, vous avez, moi je connais que Shoua, Abdelkader Shoua, qui est là, qui est l'ombre, c'est exactement l'ombre de Anan Arour. Même dans les gestes, il imite Anan Arour. Quand il fait un dars, les gestes de la main, il fait comme Anan Arour. Pareil, c'est son ombre. Et quand Anan Arour doit quitter